serine, c'est fort. Je te dis mais comment font-ils encore veux quitter le sort. Je te dis mais comment font-ils. Tu contrôles plus tes pulsions, je contrôle le pur sang. Comment contrôler tes pulsions si tu te bats sur ton passé. Mon flot dans ton cerveau cogité contre tes pensées. Je reste habile mon blaze et toujours là pour t'ambiancer. N'est pas les chocottes, mes potes pas là pour t'offenser. Je suis le T-1000, programmé pour tuer. Je suis de type sauvage, j'ai de prototype animal. Mal, bien sûr que j'ai mal, car je suis cannibale et j'ai la dalle. La balle dans l'autoroute avec un gilet pare-balles. Je m'en sais, bordel. Et je m'excuserai pas si je passais toi, pour foutre le bordel. Pour régner dans le rap, moi, je choisis le mal, le légal ou l'illégal. Rien à battre. C'est maintenant que je me suis décidé d'éliminer les ennemis, dominer mon sujet, les terminer, c'est terminé. Ça fait longtemps que j'ai compris que dominer n'est pas gagné. Donne-moi 2 minutes et 4 dédicaces à ce bulan. Je sens que tu t'affores. Je te dis mais comment font-ils. Femme et la serine, c'est fort. Je te dis mais comment font-ils. Ton corps veut quitter le sort. Je te dis mais comment font-ils. Tu contrôles plus tes pulsions. Je contrôle le pur. Ça vient de ce bilan, c'est tes ténants qui fait bilan. Balance une boîte qui bouge, qui balance à la façon Timbaland. Balade-toi, hip hop des notes, t'es malade toi. Hip hop notre assos. Tout le monde veut être numéro 1, c'est Alimero. Pape la screen, pas te faire mal, c'est nous les héros. Sous l'hip hop bodyguard, tous ces maudits gars. Dégage, je gâche le game avec ton rap de gay de bas de gamme. Trop d'aime, si dans la bouche, je ne veux pas d'articuler. Une prod si lourd, que tu crois que c'est une phase B. L'original music from 2014, phase B. Je crois que tu Fonti c'est comment, c'est des commentaires. Comment, les comment, dis-toi c'est comment, rien. Je sens que tu t'affores. Je te dis mais comment Fonti. Femme et la serine, c'est fort. Je te dis mais comment Fonti. Ton corps veut quitter le sort. Je te dis mais comment Fonti. Tu contrôles plus tes pulsions. Je contrôle le pur sang. Appelle-nous pour la facette. Un son de discothèque, on garde le même style. Basket, casquette, enfant de la planète Terre. On survole Mars et ses quartiers fiers. Vas-y bouge si t'aimes ça, couche-toi si t'aimes pas. Toujours authentique dans notre son même si tu kiffes pas. Toujours un reflet qui fait en sorte que tu nous oublies pas. Mets-toi dans la tête qu'on y reste, qu'on y bouge pas. Trop subite pression qu'on s'est donné. Dans la tête ça allait plus, fallait se donner. Alimero a sorti le son qu'il fallait. Accroche-toi, resserre les boulons. C'est du son qui t'enfonce. Mets-toi dans l'ambiance de la pure pollen. Dédicace aux agents, aux mecs qui ont faim de son ricain. En veux-tu, écoute ça, ça te manque, je voilà. Sens que tu t'affoles. Femme et la serine survole. Ton corps veut quitter le sol. Tu contrôles plus tes pulsions. Je sens que tu t'affoles. Je te dis mais comment font-ils. Femme et la serine survole. Je te dis mais comment font-ils. Ton corps veut quitter le sort. Je te dis mais comment font-ils. Tu contrôles plus tes pulsions. Je contrôle le pur sang.